pas oignon. Regarde ça. Putain d'oignon. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Ouais, yo, les mains faites pour l'or, gros. Ouais. Yo, peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8, gros, les mains faites pour l'or. Peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, les mains faites pour l'or. J'ai les mains faites pour l'or, mais pour l'instant elles sont dans la caille. Les mains faites pour étrangler les porcs et prendre leur maille. Jamais eu les mains faites pour les mathématiques. Je préfère trouver une thématique, écrire un texte, c'est là que je m'applique. Demain dis-toi donc comment rester inactif. Demain dis-moi si t'as plus rien, tes mains sont-elles pas pratiques. J'aurais pu avoir les mains pour en serrer d'autres, mais elles sont faites pour baffer, pour fuck ceux qui lèchent les bottes. J'ai les mains faites pour attraper tout ce que je désire. Les mains faites pour voter, pour faire du bruit quand ça déchire. J'ai pas les mains faites pour les lever en classe, mais pour réussir mon taf, car je veux les lover en masse. J'ai pas les mains faites pour les miettes, ni la diète, mais pour les selles, et prendre des chèques. Je ne sers jamais la main aux traîtres. Les mains faites pour le volant des Gova. Les mains faites pour me prendre en main, car personne d'autre ne me sauvera. Peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, les mains faites pour l'or. Peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, j'ai les mains faites pour l'or. J'utilise mes mains H24, mais sont jamais foulées. J'ai les mains faites pour bédard, alors que d'autres les ont pour rouler. J'aurais pu avoir les mains d'un DJ sur ses platines, mais la vie est un vinyle et je la scratch trop, je les gratine. J'ai les mains faites pour le basket, ça passe tout seul comme ma tête faite pour mes casquettes. J'ai pas les mains faites pour les casse-têtes, ça m'énerve vite donc je les casse, puis je les jette comme les parkmètres. Car j'ai les mains faites pour vandaliser bêtement, pour une cause qui m'est chère, pour tout ce qui me scandalise honnêtement. J'ai pas les mains faites pour la prière, mais ça viendra. J'ai jamais les mains moites et ça y'a personne qui s'en plaindra. J'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde, et je m'y perds à énoncer tout ce que mes mains peuvent faire. Frère, une poignée de main chez nous veut tout dire, c'est clair. Tu comprends donc pourquoi on a tous une poigne de fer. Frère, la main verte, quand il s'agit de plantation, demande à Jet, dans quelques temps sa plante fera sensation. En bref, tous les mains faites pour l'or, mais pour l'heure je dois changer ce décor qui manque de couleur. Peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, les mains faites pour l'or. Peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, les mains faites pour l'or. Les mains sont faites pour saisir les micros, m'aider à dire ce que j'ai à dire, montrer du doigt les mythos. Pour tâter les MPC et calmer les mains pressées, pour détruire la CC, prendre les billets, les encaisser. J'y mets les mains en l'air pour apporter du soutien. Je mets le poing en l'air en signe de lutte, c'est signe que je me souviens du passé. Trop longtemps, les mains attachées. Tu comprends donc pourquoi ça nous tente d'avoir les mains pour chlasser. Car l'esclavage laisse des marques, négro. Les mains pour me tirer vers l'avant, faut que je me démarque, négro. J'ai rien à perdre, donc tout à gagner. Les mains pour replanter les graines, car à cause du bitume, tout a fané, tout s'affamé. On a tous la dalle, on est des coinfres, on craille avec les mains et on s'en bat. La race, on est des quinfres. Les mains pour frotter, pour amortir la chute, car du train en marche, sache qu'on a tous sauté. Donc peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, les mains faites pour l'or. Peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, les mains faites pour l'or. Donc peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, les mains faites pour l'or. Peu importe qui tu es, d'où tu sors, car nous tous dans ce décor, on a les mains faites pour l'or. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce morceau, la relève 7-8 gros, les mains faites pour l'or. Yeah.